Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional de l'édition du 6 mars. On va ouvrir le bulletin de sport local en parlant d'abord du côté des Saguenayens de Chicoutimi qui ont remporté une victoire hier de 3-1 sur la formation des voitures d'automobile et Joe Villano. C'est Kevin Clément qui a dirigé l'attaque des Saguenayens avec une production de 2 buts. Mais également Vladimir Kotkov a marqué l'autre filet. Bonne nouvelle pour Marianne Saint-Jean, elle participera au club des médailles d'or le 5 avril prochain à Montréal. Marianne a obtenu le droit en compagnie de 11 autres athlètes qui ont fait leur marque sur la scène internationale. Maintenant, on va parler du côté des Marquis de Jonquière. Les Marquis de Jonquière qui ont vu Cédric Desjardins obtenir la 2e étoile de la semaine dans la Ligue nord-américaine. En fin de semaine dernière, Desjardins a obtenu son 3e jeu blanc tout en repoussant 30 lancers contre Thetford Mines. Stéphanie Lalancette de Saint-Félicien a été choisie pour participer au championnat canadien universitaire qui vont se dérouler en Ontario du 15 au 18 mars prochain. La joueuse de hockey native de Saint-Félicien a jusqu'à présent une fiche de 7 buts 9 passes pour 16 points. Parlons maintenant de football. Hier, dans la section entrevue de danradiosport.com, on a parlé hier avec Jean-Philippe Caron-Tremblay des Genois d'Allemagne. Jean-Philippe Caron-Tremblay qui s'est dit très très content du recrutement qu'il a fait et du voyage en France qu'il vient de faire. Je suis allé, dans le fond, je suis allé voir le Flash de Courneuve, je suis allé à Villepinte, je suis allé voir plusieurs matchs là, qui se donnaient là, dans le coin de Paris. Ensuite de ça, je suis allé vers Grenoble, je suis allé à Lyon, j'ai fait plusieurs équipes, je dirais. C'est plutôt très positif. Là. Puis là, tu t'attends à quoi? Est-ce que tu t'attends de récolter plus de vétérans cette année, beaucoup plus de profondeur dans l'équipe des Genois d'Allemagne au football cette année? Oui, ben c'est certain que si c'est un processus, c'est l'an passé, c'est l'an passé. Cette année, là, on a vraiment des objectifs là, différents. Premièrement, l'an passé, j'ai commencé avec 12 vétérans. Cette année, je vais en avoir 18 au moins. Okay. Donc déjà là, ça me donne une bonne base. Moi, j'ai déjà au Québec là, 17 recrues qui ont signé, et qui ont donné l'intention pour devenir chez nous. Donc je pense que c'est déjà positif. Il en reste quand même peut-être une possibilité de 5-6 joueurs encore là, qui pourraient signer là, venir avec nous. Est-ce que Jean-Philippe, prochainement. C'est-tu des bonnes recrues ou c'est des remplisseux de chandail, comme on appelle? Non, j'ai vraiment plusieurs gars de qualité. Je pense que je suis très, très content. Là. J'ai des gars qui avaient déjà joué pour moi, d'autres très bons joueurs. Puis en plus, avec la France aussi, ça va être très bon. Puis mes Lynx, c'est des joueurs de très bonne qualité. Des gars d'ancienne horaire, des gars. Donc, c'est très positif. Là. OK, OK. Dis-moi, du côté des. Jean-Philippe Caron-Tremblay est très satisfait du recrutement dans le haut du lac Saint-Jean. J'ai un QB, tight end receiver, là, qui avait joué pour les Centurions. Oui. Qui a aussi joué à la Pocatière, donc Tommy Plamondon, qui vient refaire une année chez nous. Donc, ça, c'est un beau plus. Ça, c'est un gars qui est mature physiquement, qui est prêt. Ensuite de ça, Philippe Blackburn, un gars des Aigles de Robertval. Un O-line D-line de 6 pieds 4, 220 livres, là, vraiment. Ouf, là, 6 pieds 4, 220 un beau prospect, là, ouais. Okay. Oui, absolument. Ensuite, ça, j'ai Peter Claude, receveur là, des Aigles de Robertval, qui a vraiment un bon potentiel. Là. Sérieusement, moi, je l'y vais aller, j'ai été très surpris. Okay. Frédéric Delisle, DB receveur des Centurions, qui est un grand bonhomme, là, qui est très bon, puis je trouve vraiment qu'il a bien performé. Ensuite de ça, Philippe Pelletier, le frère d'un de nos joueurs qu'on a déjà, là, Guillaume Pelletier, qui est un receveur, là, qui vient aussi. Donc, on a quand même une belle récolte. Là. Il y a deux autres gars là, qui seraient pas en possibilité là, de signer avec nous. Là. Il y avait une compétition de course à pied en fin de semaine en athlétisme qui s'est déroulée dans le coin de Montréal. Et des athlètes du haut du lac ont performé qui venaient du Club du Mille. Explique Pierre-Luc Ménard. Avec Miralie Mathieu, deux grosses performances au 1200 mètres, 4-0-7. Puis un gros PB, un meilleur temps à vie au 800 mètres en 2,29. Je pense que c'est des grosses performances. Magie, une petite blessure en plus. Mm. Maïka Telcha, ça augure bien aussi avec son 200 mètres, son 60 mètres. Elle a fait des meilleurs temps aussi à vie en salle. Mm. Puis nos marcheurs, les marcheurs aussi ont bien performé, entre autres, Léa Simard, là, qui est dans sa première compétition 800 mètres marche, que je trouve qu'elle a bien performé puis elle était à l'auteur de nos attentes. Je vous invite à écouter la section d'entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Jean-Philippe Caron-Tremblay des Genois d'Allemagne. Je me suis également entretenu aussi avec Stéphane Cadorette du Journal de Québec et également de Montréal qui revient des tests d'habileté de la NFL. Et vous pouvez écouter une entrevue que Michel Tifon a réalisée avec Francis Pelletier qui est un motoneigiste de Normandin. Le sport local et régional à danradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.